بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 70 دون باب كما تستفوف لجمان ديران. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلصلي بكم. قال أنس فقمت له حسير لنا قد سود من طول ما لبث فندحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا واليتيم والدميرة جد حسين بن عبد الله بن دميرة. سلو أنس بن مالك رضي الله عنه sa grand-mère Mouleika a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger chez elle pour un repas qu'elle lui a préparé. Donc il en a mangé. Ensuite il a dit levez-vous, je vais faire la salade pour vous. Après Anas il a dit je suis parti chercher une paillasse que l'on avait qui avait déjà noirci depuis le temps qu'elle n'a pas été utilisée. Alors je l'ai humectée pour la nettoyer avec de l'eau. Ensuite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est mis dessus. Et nous avons fait un rang, moi ainsi que l'orphelin derrière lui. Et la vieille dame, c'est-à-dire sa grand-mère, la dame âgée, s'est mise derrière nous. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait pour nous rakatayn, deux rakat. Puis il est parti. Et dans une version de muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat avec lui, c'est-à-dire Anas ainsi que sa mère, il a dit, ça il m'a placé à sa droite et il a mis ma mère derrière nous. Naam. Yaqulu fadilat al-shaykh Abdul Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Rawi Anas bin Malik. Donc le rapporteur c'est Anas bin Malik et sa tarjama, sa biographie a été citée dans le 11e hadith. Yaqulu mawdu' al-hadith, sujet du hadith, bayan mawqif al-ma'moum. Donc là ça vient se montrer où se place celui qui se fait présider dans la salat. Comment est-ce qu'il s'aligne, où est-ce qu'il se tient debout. Qal fi al-sharh al-ijmali, le sens global du hadith. Yukhbiru Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jadatahu أم أمه مليكة بنت مالك صنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فدعت إليه. Donc là, Anas bin Malik nous informe que sa grand-mère, qui est la mère de sa mère, donc sa grand-mère maternelle, qui s'appelle Mouleika, fille de Malik, a préparé un repas pour le prophète صلى الله عليه وسلم et elle a invité. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق لين الجانب. Donc Nabi صلى الله عليه وسلم était bien sûr de bon comportement, réceptif aux invitations. أجابها إلى دعوتها وأكل من طعامها. Donc il a répondu à son invitation et il a mangé de sa nourriture, de son repas. ثم أراد أن يكافئها على صنعها فأمرهم أن يقوموا معهم ليصلي لهم فيتعلموا منه ويتبركوا بصلاته في منزلتهم. منزلهم. نعم. Donc ensuite Nabi Salam a voulu le rendre ce bien qu'ils lui ont fait. D'accord. Il a voulu leur être reconnaissant pour cette invitation. Donc il leur a ordonné de se lever afin qu'ils fassent la salat avec lui, afin qu'ils apprennent de lui la salat et qu'ils en tirent une baraka pour leur maison par sa salat. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on prend la baraka de lui, contrairement aux autres personnes, en le touchant par son enseignement, par sa présence, c'est une baraka. Naam. Fa'amida Anas il est au Hasya ou حصي أظن قديم قد سود من طول مدة استعماله فرشه بما لتدينه وتنظيفه. Donc après Anas est parti chercher justement une paillasse, c'est-à-dire comme une forme de tapis tressé à partir de tissé à partir de matière végétale ancienne, qui avait déjà noirci, tant elle n'avait pas été utilisée. Et ensuite, il l'a étalée et il l'a, on va dire, ramollie et l'a nettoyée. ثم قدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وصف وراءه أنسا ويتيما معه. فقامت جدته مليكة تصلي من ورائهم. Donc là, le Nabi صلى الله عليه وسلم s'est tenu debout sur cette paillasse et il a placé en rang derrière lui Anas ainsi que l'orphelin. D'accord? Deux enfants derrière lui. Et la grand-mère de Anas s'est placée derrière eux. C'est-à-dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam préside, il est seul devant. Derrière lui, Anas et le jeune orphelin. Et derrière eux, la grand-mère qui est seule. وأخبر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة أخرى به وبأمه أم سليم فجعل أنس عن يمينه وأمه خلفهما. Dans un autre hadith, Anas cite que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait la salat chez eux également et qu'il avait mis Anas à sa droite et sa mère Um Sulaym derrière eux. D'accord? Anas était à la droite du Nabi صلى الله عليه وسلم et la mère de Anas, Um Sulaym, était derrière eux. نعم. يقول فوائد الحديث. Les enseignements utiles à tirer de ce hadith. حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه سي مونتر بو كومبورتمون دو نبي صلى الله عليه وسلم و سا مودستي فات il a accepté l'invitation. ثانيا مشروعية مكافأة صانع المعروف بما يناسب et qu'il est légiféré seulement de rendre le bien qu'on nous a apporté avec ce qui de la façon la plus appropriée qui soit. Et lui, le Nabi صلى الله عليه وسلم, il l'a fait alors faisant la salade chez eux pour qu'ils en tirent la baraka. ثالثا جواز صلاة على الحصير qui lui permet de faire la salat sur un tapis, par exemple. Cela est permis. رابعا جواز الجماعة في صلاة النفل للمصلحة qui lui permet de faire une salat en groupe surrogatoire si jamais il y a un intérêt, comme l'enseignement ou le zalika. Mais il ne faut pas que cela perdure, soit une habitude. S'il y a des occasions, cela est permis. Le Nabi Salam lui a plusieurs fois fait des qiyam al-layl et des sahabas avec lui. Il y avait Hudayfa, il y avait Ibn Mas'ud, ou akaza. Et on parle en dehors de Ramadan, on ne parle pas de Tarawih. Tarawih, c'est une sunna qui est mu'akkala, qui est ma'roufa. On parle d'autres occasions, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait des salats surrogatoires de nuit, et des sahabas ont fait la salat avec lui. Un, deux, à kaza. Mais ce n'est vraiment qu'à des occasions particulières. Ce n'est pas une chose qui était répétitive. قال خامسا أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وما زاد عن الواحد فخلفه. Il a dit que le celui qui fait la salat et qui est présidé, s'il est seul avec l'imam, il se place à droite de l'imam. Et si jamais ils sont plus que deux, il est plus que, ils sont deux, au moins minimum deux, en dehors de l'imam, je parle, alors ils se mettent derrière lui. Ou à kaza. Sadis anjawaz musafat al-balir al-sabi, qui n'est pas mis justement de faire un rang contenant un adulte et un enfant, sur le même rang. Sabiran an al-mar'ata la tasif. La tasof ma rijel, bel takun khalfahum. Que la femme ne se place pas dans les rangs avec l'homme, mais elle se met derrière eux. D'accord? La femme ne se met pas dans le même rang que les hommes, mais derrière eux. Thania, inayat l'islam, biman ikhtirat al-mar'a bil rijel. Et justement, ça montre l'islam, le souci qu'il apporte à ne pas laisser les femmes se mélanger aux hommes. Pas de mixité. Ni dans la salat, ni dans autre situation. Même dans les masjids, les femmes ont leur partie qui leur est propre. Les hommes, la partie qui leur est propre, dans la salat, comme dans des hadiths sont venus, « Khayr soufouf l'ijel, awwaluha wa sharruha akhiruha, wa shar soufouf l'inissa, awwaluha wa khayruha akhiruha. » Que les meilleurs des rangs pour les hommes sont le premier, et les pires sont les derniers. Et le meilleur des rangs pour les femmes sont les derniers, et les pires sont les premiers. C'est-à-dire, plus ils sont éloignés les uns des autres, mieux cela est. Non. هذا الذي أردنا اليوم بهذا نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين